Alain Delon, hein? Spajari Tembo. Wapi associé na yo clam franchi. Po, gabe a tembo a ebisaka bino boye. Likamba mokende le lisaka mwana. Mokolo ezali bolingo. Kasi soki moto nango ekufi, matanga teo. Nazana nga mokende ti poin. Kasi ngande mudasuki saka phrase. Tina ngana kolela yo. Spajari tembo. Mananga, sokina banzi baba soyo, tomona no chérie mawa. Boni boni oti kangana bana, mimina kimberle, alela yo. Ole akabo kule, apona yo, ata maneno ngana ponise, jamais na jure. Linga yo loko la diva de lo pipo alinga ka raison me yo zo moya nga loko la solo si aboyato mawa na sanini dina nana olela yo la me franchina olela yo associé a melanga likamonde dina awa ekoti na monte mananga soki ya basi batia selo. Jamais n'a cédé ma voix. Kokoringui, Oki Moussala, Eboni Boni Oki Tangana Bana, Vivi Orfena Elae, Balela Yo, Pona Mère Amazone, Na Pona Yo, Ata Mane, Nangana Pona Seyo, jamais n'a pas changé, je t'aime. Le Don King d'Afrique, Jean-Marie Lukulasi. Le grand monsieur du Canada, Guy Moulongo. Guy Boli qui confie. Il n'y a pas qu'on s'est qu'un gars. Maman Yabana, et pourtant, n'a mon kili, Zamba Pesangayo. Yvan Moulongo, Tango Yole, Katana, Zelolo, Bakas, Pajari, Tembo, Tata Yabana. Chado Mouto Bole Mignon, Lèvre Rosa. L'informaticien Josca Panzo, Wap Abdul Mamba, Max Makandae, Salon Star Premier, Michon Kanza, Dios Mena. La main dans la main, oh. Deux à deux, l'opoko na l'opoko. Kosokamote, dinanza o. Et pourtant, na mokili nzambe apona yo nanga na libala. Lokola, toshana bebiye. Balinga na kamini. Al Pacino, yena Ursula. Amour fou. Ibose, yena chuchulo ambo. Apocalypse, yen a bovete o mama. Balinga na folmo. Soki o si kina se pe lo pe na mana eva. Yebi sanga ko. Mola susi se pe kono ne koko no. Na la baby na nga. Na koli na li susu de. Mama susi ele ke lima. Na tuna na tuna na na. Soki o kono ne koko no. Tu na moyo, ah. Série 8.